tropique. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, réalisation Clotilde Pivin. Bonjour. Son dernier Olympia, fin 1966, mais son dernier récital, le 16 mai 1967, à Roubaix. 1967, donc, l'année des adieux au tour de chant de Jacques Brel, l'année des débuts de Jacques Brel au cinéma. 1967, l'année d'une série d'entretiens accordés à France Culture. 1967, une année où les enfants, enregistrés par Jean Thévenot pour l'émission Aux Quatre Vents, concours d'enregistrement sonore à caractère pédagogique, s'expriment librement sur les chanteuses et les chanteurs qu'ils voient à la télévision, plus peut-être qu'ils ne les entendent à la radio. Avant de juger Brel, un chanteur parmi d'autres, un chanteur qui, ne faisant pas partie des yéyés, n'est pas un chanteur pour enfants, adolescents ou préadolescents, avant d'entendre juger Brel, donc, brièvement, brutalement, mais contradictoirement, voici un état des lieux de la variété française. Première diffusion sur France Culture, le 14 mai 1967. L'an dernier, par coïncidence, deux des bandes primées consistaient en des débats entre écoliers sur la chanson, les chanteurs à la mode, le yéyé, les cheveux longs, la mini-jupe, etc. Dans une école, ce sujet devint même thème de texte d'expression libre. Les cheveux longs. Actuellement, on n'entend parler que d'Antoine. On le voit sur les journaux, sur Télé 7 jours et même sur les revues hebdomadaires. La majorité des téléspectateurs l'aiment bien, surtout les femmes. Moi, je lui reproche sa vulgarité, sa grossièreté, ses critiques sur les autres chanteurs et ses oyers. Quant aux Beatles, on en parle de moins en moins. Mais quand ils se donnent un spectacle, les filles crient, s'excitent et même parfois s'évanouissent. Il y a aussi Edouard. Lui, c'est encore mieux. Sa perruque lui tombe jusqu'aux chevilles. Dominique Seves, 9 ans, 3 mois. Ce soir, plutôt que de donner ses bandes avec quelques autres en deuxième diffusion, selon la tradition, il nous a semblé intéressant d'inviter les enfants à faire le point un an après. En un an, y a-t-il eu évolution, et quelle évolution, de la chanson et de tout ce qu'elle draine et entraîne? Dans la classe de M. Marc Tillerot, à l'école de garçons de Savière, dans l'Aube, un enfant a eu sans hésitation une réponse catégorique. Oui, c'est devenu de plus en plus bête. Mais encore. À Nantes, les élèves de M. Alexandre Turpin, 11 garçons et 4 filles de 11 à 13 ans, ont fait l'inventaire, la nomenclature de leur goût. Moi j'aime, moi j'aime pas, avec parfois un « parce que » explicatif. Ça ne va guère plus loin, et néanmoins, c'est terriblement instructif quand ce n'est pas terrible tout court, féroce. À coup sûr, le plus véridique des hit-parades. Cet âge est sans pitié, parce qu'il ne compose pas, ne ruse pas, ne calcule pas, donc ne truque pas. En toute innocence, les enfants ne pèsent ni ne mesurent leurs mots, et peu importe si ces mots, en partie au moins, reflètent les points de vue du milieu, du maître ou des parents, de toute façon, quel sondage! Et quand c'est bien leur propre opinion que ces écoliers expriment, n'oublions pas, même si c'est dur à entendre, que la vérité, effectivement, sort volontiers de la bouche des enfants. Quelques brèves illustrations sonores rappelleront concrètement les traits caractéristiques des vedettes de ce rude palmarès. S'il arrive qu'elles renforcent la sévérité des enfants ou qu'elles apportent à leur indulgence un cruel démenti, ce sera sans malice de notre part. Maintenant, à vous de juger. Les jolies colonies de vacances, merci maman, merci papa. Tous les ans, je voudrais ça de vacances, Yukaïdi. Moi j'aime bien chanteur, c'est celui-là qui chante les colonies de vacances, là, quand il est mieux à attendre les têtes de bois. Là. Ouais, il est marrant lui. Jacques Dutronc n'aime pas parce que des fois il a des chansons qui sont idiotes comme J'ai des cactus, là il a 15 ans. Sa chanson que j'aime bien c'est Les Clayboys. Moi j'ai point de piège à filles, je travaille dans le chou, mais quand je vois la Marie, et j'y fais aller les blancs, les choses sur le bijou. Mes chanteurs préférés, C'est les Charlots, parce qu'ils sont marrants, ils font de belles chansons. Celui qui a une queue derrière, là, il chante bien. Une enfant, on a tout vu, qu'est-ce qu'il faut entendre? Quand je pense qu'on a failli hier te surprendre, essayant de m'embrasser, moi me laissant faire, il n'est pas si mal, l'ami, l'ami de mon père. France Gall n'a rien d'une chanteuse, elle est chanteuse si on peut dire, parce que c'est son père qui compose les chansons, et puis elle chante, mais autrement, elle a rien. Elle a une voix très aiguë, puis on dirait un bébé qui chante. Je suis parti et je ne voulais pas m'arrêter là. Une autre route, je l'ai suivi, il a fallu que je te trouve là. Ouh, soudainement je suis tombé. Ouh, et comme ça je suis resté à chaque instant. J'aime bien Johnny Hallyday car il chante très bien. Moi, j'aime pas sa femme, Sylvie Vartan. Ses chansons ne riment à rien, par exemple, Garde-moi dans ta poche. Garde-moi dans ta poche, pour que tu ne sois jamais seule. Et je te ferai oublier toute ta peine. Je trouve que Sylvie Vartan chante bien, mais c'est ses dents de lapin qui font moche. Mais autrement, 2 minutes 35 de bonheur, là, c'est vraiment bien. Je critique Mireille Mathieu parce que je trouve qu'elle broye de trop. Et puis qu'elle est trop fière, là, elle veut faire des manières. Je trouve que Mireille Mathieu, ils l'ont trop lancée d'un coup. Mireille Mathieu a fait des folies. Elle a acheté 2 boutiques là, à ses parents, je sais plus quoi. Là. Si elle a acheté ses boutiques, c'est qu'elle aime ses parents, puis elle a bien raison. Eh bien, celle-là, elle a bien payé un magasin de vêtements à ses parents. Moi, j'aime bien Sheila parce qu'elle a une belle coiffure, puis elle a une belle voix, puis elle chante très bien. C'est pas le même genre que les chanteurs qui chantent tout en criant, là, tout ça. Les tambours, ils sont entrés dans la ville, un matin au petit jour, les tambours, quand ils ont quitté la ville, ils emportent à mon amour, les tambours. Moi j'aime bien Georgette Lemaire parce qu'elle chante bien et puis elle se rapproche plus à Edith Piaf, tandis que Mireille Mathieu elle roule trop ses airs. Ouais, mais je crois que Georgette Lemaire a travaillé sa voix. Et toi Martine, qu'est-ce que t'en penses? J'aime pas Georges Brassens, ses chansons sont toujours sur le même air. Et puis en plus de ça, Georges Brassens, c'est trop poétique ses chansons. Puis il parle, il ne chante pas. Ouais, puis Georges Brassens il fait des chansons au moins qui règne à quelque chose, parce qu'il y en a qui ça veut rien dire du tout. Moi j'aime bien Claude François. Et pourquoi tu l'aimes? Parce qu'il chante bien, moi ça rime à quelque chose, et puis on rit avec lui. Ces chansons ont du sens. Jamais 203, car il n'y a pas sur la terre une plus grande joie que voir un enfant venir ici-bas nous donner plus d'amour qu'on en a déjà. Jamais 203, c'est toujours comme ça. Moi j'aime bien Enrico Macias car il a des chansons entraînantes. Bien Régine, moi. Je trouve que c'est très bien. Que le temps s'arrête. Oui, que le temps s'arrête. Mon chanteur préféré, c'est Adamo. Il a des chansons qui ont du sens, et puis ses chansons sont très belles, et puis au moins il chante bien. Il a du talent. Adamo chante bien, mais il paraît que quand on l'entend de près son micro, il n'a pas de voix du tout. Moi, j'aime bien Adamo, là, comme dit Godard, mais c'est sa bouche de travers qui m'énerve. Alors, je peux pas le regarder quand à la télévision. Moi, j'aime bien Richard Anthony, parce que maintenant, on va presque plus souvent, mais quand il chantait « Pour moi, la vie est finie », là, je l'aimais bien, cette chanson-là. Je me mets ce n'est pas toi. Femme que j'aime, c'est ta ta ta ta. J'aime bien un Paul Maref parce qu'il chante bien, et puis j'aime bien sa coiffure, mais s'il a un nez à piquer gaufrette, c'est... Il a mis de l'eau dans son rock, mais je salue son époque. Moi, j'aime bien Eddie Mitchell parce qu'il est toujours bien habillé, tout ça, mais ses chansons, autrement, elles sont affreuses. Un pauvre cœur brisé sur le bord du fossé et qui bat la chamade. Je ne veux plus d'aubade, je ne veux plus rêver. Chantal, est-ce que tu aimes Alain Barrière, toi? Oui, j'aime bien Alain Barrière parce qu'il chante bien. Pour moi, je crois que ces chansons qu'il chante, on dirait un roman qu'il raconte, lui. Espagne, tu m'as donné la vie. Moi, j'aime bien Luis Mariano parce qu'il a une belle voix, puis il a des belles chansons. Amène-moi, emporte-moi, je veux mon roi, vivre ta loi. Moi j'aime bien Georges Guitari parce qu'il a un bel accent. Ne cherchez pas pourquoi, tout est si beau pour moi. Pourquoi ce gris pays prend des airs d'Italie. Tino Rossi chante bien parce que c'est un vieux chanteur, mais je l'aime bien. Et il a fait une très grande carrière. Moi, je l'aime pas. Oui, mais tu l'as pas connu aussi, alors c'est pas tellement intéressant. Puis maintenant, il est assez vieux, alors... C'est un vieux jeu, c'est tout. Il peut pas se faire pousser les cheveux, tout ça. Moi, je préfère les jeunes chanteurs. Au moins, là, ils sont vigoureux. J'aime mieux les vieux chanteurs, parce qu'ils ont beaucoup de voix. Et puis, moi, je trouve que ils font des chansons moins idiote que celle comme Jacques Dutronc. Ouais, moi, je trouve que les jeunes, ils chantent bien. Enfin, ils chantent bien en façon de parler. Même s'ils chantaient pas bien, ça, je m'en fiche. Ça fait un genre. C'est à la mode. Que penses-tu, Chantal, d'Antoine? Antoine, je l'aime pas. Pourquoi? Il chante mal, je trouve. Avant, moi, je l'aimais bien avec ses cheveux longs. Mais maintenant, je l'aime pas avec sa moustache. Je viens rechercher mes bonbons. Vois-tu, Germain, j'ai eu trop mal quand tu m'as fait cette réflexion au sujet de mes cheveux longs. Ouais, j'aime pas Jacques Brel parce qu'il bave et il chante mal. On a vu Jacques Brel à la télévision et puis je trouve qu'il chante bien. Puis il sue à grosses gouttes, là. Alors il faut le faire quand même. Un extrait de l'émission de Jean Thévenot aux Quatre Vents, concours d'enregistrement sonore à caractère pédagogique, diffusé pour la première fois sur France Culture le 14 mai 1967. Les parents de ces jeunes téléspectateurs n'eurent à attendre que 2 mois pour se brancher sur France Culture et écouter Jacques Brel au micro de Dominique Arban, se raconter. Dans la première partie, la recherche du western, l'enfance, cette enfance qui passa, cette enfance où il se sentait parfaitement seul et devait à la fois être roi et esclave de son monde. Brel, ravi d'avoir eu une enfance morose. Il n'aurait pas aimé avoir eu une enfance heureuse, parce qu'après, c'est horrible. Voici les 2 derniers volets de cette série de 3, diffusés respectivement les 23 et 30 juillet 1967. Trois entretiens de Jacques Brel avec Dominique Arban. Aujourd'hui, 2e entretien. Je vous voudrais, Jacques Brel, tout en évitant un thème sur lequel on vous a beaucoup interrogé, je voudrais quand même, et laissez-moi parler, dire que cette bonté, cette générosité, ce sens de la justice exclut plus de la moitié du genre humain. Elles sont notre pire ennemi. Bon, oui. Alors ça, vous connaissez la musique. Oui. Bien. Je ne veux pas parler de Brel et des femmes, parce que les magazines et les hebdomadaires en sont pleins, qu'on sait tout là-dessus. Mais il y a un point sur lequel je voudrais vous poser une question, parce que ça me paraît grave. Il y a, dans une très belle chanson de vous, les bergers, il y a un vers qui dit ceci. Les garçons dans leurs rêves, les filles dans leurs frissons. Alors là, vous refusez aux femmes un domaine où elles sont reines. Le rêve, et vous leur attribuez seulement une existence, disons, physique. Quand on a peur, on ne rêve pas, on a des cauchemars. Expliquez-nous tout ça. Les femmes ont peur. Les femmes ont peur. Oh, les femmes ont peur. C'est pas de leur faute, hein, attendons-nous. Je constate que les femmes ont peur. Je crois, je suis même convaincu que voyant la tour de Pise, pour la première fois, un homme se dit que c'est beau, et une femme se dit, tiens, elle va tomber. Je suis convaincu de ça. Vous n'avez jamais vu d'homme qui se dise « elle va tomber » ? Ah si ! Ah ben si, mais entendons-nous. Il y a beaucoup plus de femmes qu'on ne croit. Mais est-ce que c'est une réponse à la question que je vous pose ? Absolument. Parce que vous me dites que les femmes sont dominées par leurs rêves, enfin possèdent plus de rêves que l'homme, je vous dis non. Un rêve qui est basé sur la peur n'est plus un rêve, c'est un cauchemar. Pourquoi est-ce que c'est basé sur la peur ? Parce que les femmes ont peur. Mais une femme peut être dans sa cuisine ou tricoter. Elle a quand même peur. Elle a quand même peur qu'un type ne rentre pas, qu'un type fasse ceci, qu'un type fasse cela. Mais peut-être au contraire qu'elle rêve pendant des années à un garçon qu'elle a rencontré quand elle avait 18 ans et qui est passé sans la voir. Les femmes ont un pouvoir de rêve et d'attente que vous leur déniez absolument. Votre garçon qui attend Madeleine. Madeleine n'est pas une femme, là, n'est-ce pas ? Ah, mais je suis bien Madeleine, de votre avis. Madeleine, c'est l'acte d'attendre, c'est justement ce que mais je Mais je pas. Suis bien de votre avis. Alors ça, venons-en à Madeleine, si vous voulez, parce oui. que c'est quand même encore la même histoire merveilleuse oui. avec vous. C'est le besoin de l'impossible. Non, pas du tout. Si. Pas du tout. Madeleine, pour moi, c'est un type qui attend. Il n'y a rien à attendre. Il sait qu'elle ne viendra pas. Madeleine, ça peut être Dieu, ça peut être la fortune, ça peut être n'importe quoi. Et lui, il se bute, il va continuer à attendre, il va... C'est exactement la même chose que les gars qui vous parlent d'une paix juste et durable. Je ne sais pas si c'est quand même pas le besoin de la chose qui ne peut pas arriver, le besoin non, d'un... Non. Non, non. Dans mon esprit, c'est pas du tout ça, en tout cas. Bon, alors, dans l'ensemble, disons que depuis que vous êtes un homme, un adulte, les femmes vous ont déçu. Mais les hommes aussi. Non. Ah, j'ai jamais dit ça. Jamais dit que les femmes m'avaient déçu. Ça, c'est absolument vrai. Elles ne m'intéressent pas beaucoup. Mais déçu, non, parce que déçu, il faut attendre quelque chose. Et jamais vous n'avez attendu ? Une fois, oui. Et vous étiez très jeune ? J'étais amoureux de moi. Non, j'ai jamais attendu, je sais. Ni des femmes, ni de l'amitié des hommes, ni de... Non, et en plus, c'est un parti pris, je ne veux pas attendre. C'est un parti pris, c'est une politique, enfin, si vous voulez. Je ne veux pas attendre. Mais qu'est-ce qui peut bien vous arriver ? Rien. Mais si les autres ont quelque chose à donner. Oui, ça n'a rien à voir. C'est tout avec à voir. Avec le fait d'attendre. Non, alors, parlons de rencontre. Parlons de rencontre, mais pas d'attendre. On n'attend pas une rencontre. On donne rendez-vous à quelqu'un. N'est-ce pas ? On n'attend pas quelque chose. Alors moi, ça me semble aberrant, ça. Attendre quoi ? On est là, on se dégrade doucement, puis on va mourir, puis qu'est-ce que vous voulez attendre ? Pourquoi voulez-vous que quelqu'un brusquement se mette à s'intéresser à vous ? S'il s'intéresse à vous, de toute façon, c'est mauvais surtout pour lui, parce que c'est qu'il se fait de vous une idée fausse. Donc on peut rencontrer des choses comme ça, d'une manière assez brève, assez brûlante aussi peut-être, mais on n'a pas à attendre, on meurt d'attendre. Il y a une chose qui semble importante pour vous. Vous aimez avoir peur. Vous avez besoin de ça ? Oui, j'ai besoin. J'ai envie de risquer mon corps. Parce que là, je sais où j'en suis. Il y a 3 jours au téléphone, un gars m'a dit, tu sais, il faudrait que tu te calmes. C'est un ami, c'est un homme que j'aime beaucoup. C'est un peintre. Il m'a dit, tu sais, il faudrait que tu te calmes et que tu prennes un peu de ventre. C'est tout ce que vous aimez. J'ai eu envie de le tuer. Et je l'aime beaucoup. Je l'aime vraiment beaucoup. C'est un honnête homme, c'est un brave homme, je l'aime beaucoup. Eh bien, j'aime exactement le contraire de ça. Je ne veux pas me calmer, je ne voudrais pas prendre de ventre. Si je prends du ventre, ça m'est égal, sur un plan esthétique, oui, alors oui. Ça, vraiment... Ça... Mais alors, c'est une espèce de défi à soi-même, oui, de c'est challenge. Ça, c'est ça, une espèce de discipline. J'ai un côté schleux, il ne faut pas l'oublier. Schleux. Schleux. J'ai un côté, je suis un homme du Nord, enfin. Et alors il y a une discipline. J'ai un sens de la discipline, ça peut paraître bizarre. Ah, j'aime ça. Ah, voilà. Ah, j'aime ça. Moi, j'aime tituber de fatigue. J'avoue que j'aime ça. Il y en a qui aiment se piquer, il y en a qui aiment se saouler, il y en a qui aiment jouer, il y en a qui aiment courir les filles. Et vous savez qu'est-ce que c'est, ce besoin? C'est prouver que je vis, me prouver que je vis. D'ailleurs, je vais vous dire un truc, il y a une chose qui me revient, là, on parlait des femmes tout à l'heure, on dit souvent que je suis misogyne, mais en réalité, on dit ça très souvent d'un individu qui n'est pas cavaleur. Oh non. Pourquoi vous êtes au nom comme ça? Non, parce que chez vous, c'est quand même très symptomatique. Vous méprisez les femmes, c'est tout ce que vous avez dit pour le prouver. C'est pas du mépris. Ça m'intéresse pas beaucoup. Mm. Pas du mépris. Mais vous considérez que ce sont des individus différents de vous? Ah, tout à fait. Mais alors, tout à fait. C'est du racisme. C'est relativement du racisme, oui. Enfin, je n'en suis pas à vouloir espérer des camps de concentration dans les Landes où on mettrait les femmes. Dans les Landes ou ailleurs. Enfin. Dans les Landes, ça serait bien. Mais c'est pour... Revenons à votre besoin de peur. Vous considérez que c'est un moteur dans votre vie? Non, mais je suis certain que c'est un énorme moteur pour tout le monde. Mmh. Mais donc moi, j'avoue que j'aime bien, pour équilibrer ma vie, ça, c'est avoir une relative peur physique, enfin, ça ne me déplaît pas. Ça, c'est l'avion, les cabrioles en c'est, avion. C'est le travail à outrance, oui. À certains moments, enfin, c'est de la boxe, enfin, c'est tout ça. Oui. Moi, j'aime bien ça. J'aime bien ça, je crois que ça ne fait de mal à personne, et j'aime beaucoup ça. Je suis repu. T'as un besoin d'aller au-delà de vous-même. C'est ça. Mais on va pas au-delà. Il suffit d'aller au-delà trois fois pour que ça devienne sa limite naturelle, enfin. Mm-hmm. Mais vous la dépassez quand même. Ben oui, mais elle devient naturelle tout le temps. J'ai lu récemment dans une interview de vous ceci. Si je continue, je vais recevoir plus que je ne peux donner. Je ne le veux pas parce que ce serait malhonnête. Oui, je pense ça. Non, mais je crois ça. Je crois ce que Qu'est-ce que vous dit, voulez là. Dire par là? Je veux dire que... je veux dire... qu'il arrive un stade, comme en tout, un stade d'habileté. Ah oui. Et que j'ai devant moi une grosse tentation. Parce que ce qui compte, ce n'est pas se donner aux gens. C'est donner quelque chose en se donnant. Et peut-être bien que là, j'ai plus grand-chose à donner. Pourquoi? Mais j'ai le droit de le croire. À ce moment-là, je n'ai plus grand-chose à donner. Donc j'ai raison. Je peux donner autre chose en me donnant toujours à fond. Et à ce moment-là, c'est de l'habileté, c'est de la malhonnêteté. Une relative malhonnêteté. Et ça, je ne le veux pas. Je veux bien me tromper, mais je ne veux pas tromper. Est-ce qu'on se fatigue des gens, de leur appel, cette espèce de réponse unanime, non. Anonyme, ou est-ce que ça nourrit toujours? Ça dépend de la qualité de la crainte. On répond toujours à une crainte. J'ai à la fois la chance et la malchance d'être un peu connu dans un relatif milieu, n'est-ce pas? Et alors, les gens ont envie de vous avoir. Et c'est toujours pour poser des questions. Ah bon? Toujours. Ah, mais alors... Et alors, j'ai appris à... Enfin, j'ai relativement appris à moi me faire mes réponses avec des questions que je ne pose pas, uniquement d'après les questions des autres. Alors, tout dépend de la qualité de la crainte. N'est-ce pas? Quelqu'un vous accapare toute une soirée pour vous demander si vous mettez de l'argent de côté, si vous prenez du choum le matin quand vous avez trop bu la veille, chose là. C'est absolument sans intérêt, tout le monde s'en fout. Il y a des qualités dans la peur qui sont extrêmement subtiles. Quelle sorte de questions vous étonne et que vous plaise? Parfois, très rarement, on me demande pourquoi je n'ai pas pu rester comme les autres. Dès qu'on est à ce genre de niveau-là de questions, c'est bien. Vous pouvez répondre? Oui, mais alors là, il faut toute une nuit de discussion, enfin. Il faut toute une nuit. Il faut pouvoir expliquer en 3 heures ou en 4 heures. et en étant sûr que l'autre ne va jamais rire, que le fait de regarder une fleur, de la renifler et qu'elle sente bon et qu'il y a un grand ciel bleu au-dessus ne me suffit absolument pas. Que comme ces fleurs existent et qu'elles sont toujours rares, on a envie d'en planter sur les terris où les charbonnages vomissent leurs petits cailloux. Mais ça, il faut être sûr de la qualité de la peur de l'autre. Il y a un pays, je trouve, où ils ont une peur admirable, c'est la Géorgie. Le Géorgien a merveilleusement peur, enfin, peur dans mon vocabulaire, enfin, non, n'est-ce pas ? Les Géorgiens sont des gens extraordinaires. Je trouve que ce sont des gens extraordinaires. C'est un peuple très jeune, un peuple très sauvage. Ils sont fous, ils chantent, ils sont merveilleux. J'aimerais beaucoup, d'ailleurs, je vais sûrement retourner, à Tbilissi. Il se passe des choses. Ils ont, eux, alors un goût féroce de la poésie. Oui, absolument. Ils l'inventent. Ils ont une manière de... Ils ont d'ailleurs des paysages qui fournissent la matière. C'est joli. Puis il y a des coutumes de table. Je ne sais plus, je crois qu'on appelle ça le tamada. Le tamada qui est au bout de la table et qui porte un toast toutes les 4 ou 5 minutes. Ça fait boire. Et qui fait des rapprochements. D'une part, ça fait boire, ce qui est vraiment... Ce qui prouve que c'est pas un peuple de femmes. Et tout est basé sur la femme, d'ailleurs, dans les toasts. C'est ce que j'avais dit. Il fait le rapprochement entre la couleur du soleil dans les montagnes qui sont à l'est et les yeux d'une femme qui vous aimerait le matin près d'une source. Ah, ce sont de grands amours. Qui est absolument bidon, n'est-ce pas ? Qui est au 10e verre de vin, on ne peut pas ne pas avoir envie de les embrasser. Enfin, c'est très charmant. Ça, ce sont des bonnes races, je trouve. Il y a un côté enfance encore. Côté enfance, parce que justement, l'argent les a très peu servis. Jacques Brel, vous avez devant le travail une attitude grave, sérieuse. Moi, je vous ai vu répéter pendant des heures une seule phrase, quelques mesures, parce que vous travaillez avec un orchestre qui n'avait pas l'habitude de vous. C'était extraordinaire. Et pourquoi, étant si sérieux dans l'exercice de votre profession, pourquoi dans certaines chansons, par ailleurs très belles, abandonnez-vous des vers qui ne sont pas bons ? Parce que je ne peux pas mieux. Oh, c'est pas vrai. Ah, je crois que si, c'est ça. Je crois que c'est ça. Parce que vous n'avez pas envie de travailler encore ? Ah non, parce que je travaille beaucoup. Je peux pas mieux. Ou alors que j'estime que ce vers est vraiment à foutre aux poubelles, tout. Mais qu'il correspond plus à la réalité de ce que j'ai envie de raconter et que la perfection technique, à ce moment-là, m'indiffère. Et si j'avais vraiment du talent, je pourrais arriver aux deux en même temps. C'est sûr, c'est sûr. Mais cet amour des mots que vous avez, parce que ça ne dit pas que vous ne l'avez pas, c'est extraordinaire, il n'y a qu'à vous voir comment vous les modelez, quand vous les chantez, ce que vous en faites de chaque mot. Il y a un amour très grand au départ qui est, au fond, vous allez vous fâcher, mais c'est une forme poétique d'aimer les mots. J'aime bien les mots quand ils donnent la couleur que je veux. Mmh. Ce sont des outils. Vraiment des outils. Est-ce que vous savez d'avance la chanson qui marchera et celle qui ne marchera pas, ou est-ce que c'est le public qui fait sa petite anthologie ? C'est quand même le public. Vous avez quelquefois des étonnements dans ce domaine ? Oui. Par exemple ? Une chanson comme Amsterdam n'aurait jamais dû fonctionner. Vous n'avez jamais pensé qu'elle marchera jamais, comme jamais, ça ? Jamais. Jamais. À quoi vous attribuez alors le succès énorme ? Je ne sais pas. Il y a une sorte de balancement musical un peu qui peut expliquer certaines choses. Et puis, le mot Amsterdam est joli. C'est un joli. Je ne pensais pas que vous créez là un monde, une fois de plus, un univers qui est cela, qui oui, est ces marins d'Amsterdam. Peut-être. Je ne sais pas. Ça, ce n'est pas mon travail, ça, de savoir après. Mon travail, c'est avant. Après, c'est un peu fini. Est-ce que partout les mêmes chansons ont le même triomphe ? Pratiquement. Ah oui ? Pratiquement. Même dans oui. des pays différents ? Pratiquement, oui. Ah oui ? Oui, pratiquement. Est-ce que ça influence vos prochaines créations ? Non. Non, pas du non. tout. Et quand vous pensez une chanson, vous pensez, bon, les mots, puis la musique, et finalement, le geste, l'attitude, vous les créez quand ? Ah non, c'est jamais répété. Ça, ce n'est jamais répété. C'est alors la chanson est finie. Très souvent, ça arrive, alors surtout ces derniers temps, très souvent, je l'explique aux musiciens à 7h et je la chante à 9h. Et le geste et l'attitude ça, ça vient. Ça vient. Il faut 2-3 jours. Et puis ça vient, après 2-3 jours. Deux, trois jours. Après 2-3... Parce qu'après, je ne la répète plus jamais. Après deux ou trois tours de chant, elle y est, et puis après 15 jours, elle est polissée. Alors, elle est modelée, je veux dire. Mais ces attitudes et ce geste viennent spontanément. Oui. Oh, c'est extraordinaire. Et ce sont eux qui déterminent un petit peu l'état d'esprit du gars qui chante. Parce qu'en réalité, quand je chante une chanson pour la première fois, je ne sais pas du tout qui chante. C'est impossible, ça. Et ce n'est qu'après que je sais que le gars qui chante Jeff est fait comme ça et comme ça. Ce sont mes mains qui le disent. C'est mon corps. Ah oui. J'attache beaucoup plus d'importance à mon corps qu'à ma pauvre tête. C'est très important ce que vous dites. Mais oui. Et pourtant, vous renoncez à la... Le gars des bonbons, pour moi, j'ai jamais su si c'était une ordure ou un naïf. C'est les deux, non? Ah non, c'est une ordure, maintenant je le sais, mais c'est mon corps qui me l'a dit. Mm-hmm. Et il y a d'autres chansons comme ça? Ah, plein. Mm-hmm. Plein. Dans ces gens-là, oui. Le gars qui chante. Mm-hmm. Je n'ai jamais su si... Enfin, en l'écrivant... Ce personnage m'a paru très trouble en l'écrivant. Et maintenant, je sais que c'est un faux témoin. Comment un faux témoin? C'est un faux témoin. C'est un type qui raconte une famille à quelqu'un, et puis toute son analyse est fausse du fait qu'il est amoureux d'un membre de la famille, de la fille. Et qu'en plus, on lui reproche d'avoir dégorgé des chats, et qui me dit... J'ai jamais tué. Ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié. Il ne sentait pas bon. C'est très grave, ça, monsieur qui vous dit qu'il a tué un chat parce qu'il ne sentait pas bon. C'est un faux témoin, c'est un... Mais c'est que le public... C'est pas un gain. Le public reçoit cette chanson-là encore comme un réquisitoire contre une certaine forme de famille. C'est encore les bourgeois. Mais il a raison aussi, quand il dit tout ça. Mmh. Il est faux témoin, mais il a raison. Il est faux témoin partiellement. Parce que ce qu'il dit est vrai, c'est une accusation qui quand même tient parfaitement debout. Mais attention, on pourrait croire au début qu'il est courageux. Or, il n'est pas courageux du tout. Il n'a le courage de dire ça que parce que, encore une fois, il a mal. Il a mal à la fille de cette famille-là qu'on ne veut pas lui laisser. Donc son courage ne vient pas d'un vrai courage, mais ce sont les gars qui injurent Dieu parce qu'ils ont mal aux dents. C'est pas le vrai courage, ça. Il insulte Dieu parce qu'il a mal aux dents. Et il insulte cette famille parce que... Et quand cette chanson vous est arrivée dans votre esprit, vous ne l'aviez pas conçue comme ça? Non. Non. Ah non. Ça devait être beaucoup plus froid. À aucun moment, je m'étais dit qu'il pouvait tomber amoureux d'un membre de cette famille. Mm-hmm. C'était qu'en cours de route que je me suis rendu compte qu'elle était tellement excessif. Ce jugement était tellement excessif. Mm-hmm. C'était la chanson d'un juge de paix au démarrage. Et puis finalement, la vie a raison, il n'y a pas de juge de paix. C'est un faux témoin. Le juge de paix, c'est le public. Trois entretiens de Jacques Brel avec Dominique Arbon. C'était le deuxième entretien. Trois entretiens de Jacques Brel avec Dominique Arbon. Aujourd'hui, troisième entretien. Jacques Brel, vous êtes l'auteur, le compositeur, la voix de vos chansons, mais vous en êtes aussi le lieu scénique. Et je voudrais que nous en revenions à cette question de geste. Vous me disiez l'autre jour... Si tout mon corps n'aide pas ce texte, ce n'est pas une chanson. Il faut qu'il s'y mêle à un corps, une chair, et qui doit éclater jusqu'à tomber. Si l'acte d'amour n'est pas suivi d'un énorme épuisement, c'est qu'il n'y a pas d'amour. Vous me disiez aussi que ce sont les gestes qui crée la chanson, qui la crée pour vous. Oui, mais enfin, ça, c'est très difficile à expliquer. Mais les mots portent. Les mots portent. Et il y a une chose, il faut dire, il y a une chose. Je suis incapable d'écrire assis. Je ne peux écrire que debout et corps tendu. Après, les gens me disent, tu as écrit, oui, tu es fatigué. Je dis, oui, j'ai mal aux reins. J'ai très mal aux reins après avoir écrit. Parce que, enfin, du moins certaines chansons, parce que je suis obligé d'avoir le corps tendu, parce que le mot ne me vient pas si je ne suis pas tendu, comme si j'étais un coq à cracher du feu. Enfin, je serais incapable de ça. Et j'ai mal aux reins quand j'écris, c'est ridicule. C'est dérisoire. J'ai mal aux reins, j'ai mal aux mollets, j'ai mal aux cuisses. Parce que j'écris debout. Ne croyez pas ça, ça arrive à des écrivains qui écrivent assis, qui sont crevés physiquement. Ah oui, mais ça sûrement, oui, mais enfin physiquement. Moi, c'est vraiment le corps, enfin, c'est tout à fait animal. C'est tout à fait animal. D'ailleurs, j'ai mal au crâne en plus. Ah oui, toujours. Oui, j'ai quand même mal au crâne après. Je suis très fatigué. Mais mon corps m'impose des mots. Quantité de vos chansons, ce sont plusieurs individus. Oui. Et en plus de cela, il y a vous qui jugez ces individus. Où je le suis. Oui, mais je parle de celle où vous êtes en plus un témoin ou un avocat général plutôt qu'un juge de paix ou alors au contraire l'avocat. Oui. Vous êtes en plus, vous êtes celui qui les juge très souvent. Je prends par exemple dans les bonbons quand vous dites il y a là votre ami Léon, le mot là, c'est un monde. Mmh. Une seule syllabe, ce que vous arrivez à faire tenir de mépris, rien qu'avec une syllabe. C'est... Mais là, ça veut dire qu'il est posé, hein. Ça veut dire qu'il est. Ouais. N'est-ce pas que ce n'est pas une vue de l'esprit. Enfin, il est là avec sans doute il a un gros ventre. Enfin, il est posé, il a les jambes un petit peu écartées, il a sûrement des grosses lunettes ou je sais pas. Enfin, il est bête quoi. Je l'aime pas, c'est subjectif. Encore une fois, je suis faux témoin. Donc, vous êtes donc le créateur et le lieu de l'action. Oui. Bon. Et alors, je me demande si quand même. En prenant votre expérience de la vie, des êtres, de vos émotions, de vos souvenirs, de votre tristesse, de votre truculence, tout ce que vous voulez qui fait que vous êtes vous, je me demande si, en jouant comme ça chaque soir totalement ce genre de chansons, toutes vos chansons, il n'y a pas un effet de liquidation de vos successives émotions. Je me demande si vous n'allez pas plus vite dans la vie, si vous ne vous dépassez pas plus vite dans la mesure où vous figurez si intensément vos successives expériences de la vie. Non. Non. Non. Non. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ah non, pas du tout. C'est comme si, ayant trouvé une noisette dans le jardin de son grand-père le matin, on a quand même envie de la manger, mais en compagnie. Mm. Soit on a envie de faire profiter cette malheureuse noisette. Enfin. Vous avez une énorme amitié pour ces gens qui vous écoutent. Oui. Ah oui, c'est de la tendresse. Enfin. C'est là votre tendresse. Oui. Et... S'ils sont là, j'ai un profond respect pour les gens qui viennent écouter quelque chose. Quelle que soit cette chose. Même la pire chose. C'est qu'il y a tellement de questions, il faut qu'ils y aillent. Même si c'est pour voir un bel âtre, ou une femme qui annonce, une jolie femme qui annonce n'importe quoi, c'est que leurs questions sont à ce niveau-là. Mmh. Et quelqu'un qui demande impose le respect. Vous sentez dans la... demande. Ah, il demande. Et ça se sent, alors. C'est extraordinaire. Ça, on le sent. Il faut être fou, aveugle ou mercantile pour ne pas le voir. Moi, par exemple, quand je suis dans la salle, je m'excuse de parler de moi, mais je me dis, quand même, ces gens sont venus là pour passer une bonne soirée. Ils se trouvent devant un individu qui donne des réponses à tant de choses de lui et, par conséquent, de tous les autres. Et il semble que vraiment, on soit dans un déséquilibre entre des gens qui viennent passer une bonne soirée. Je ne crois pas. Et cet homme qui livre une totalité de vie. J'ai toujours eu la faiblesse de croire que dans une salle, il y a certainement un gros pourcentage de gens qui viennent pour passer une bonne soirée. Mmh. Mais il y a un pourcentage d'autres. Oui, c'est cela, oui. Et c'est du parti pris de ma part, enfin. Je m'occupe des autres. Mmh. Et vous avez senti souvent, en rencontrant des gens, cette réponse, oui. Ce besoin? Oui. Je ne sers à rien. Je ne sers à rien, mais comme un toubib ne sert à rien très souvent. Enfin, qu'est-ce qui sert? C'est pas ça l'important. On passe un tout petit peu de teinture d'iode quelque part, et tout ce qu'on peut dire aux gens, c'est tu n'es pas tout seul. Mmh. Tu n'es pas... Ils ne sont plus le centre du monde pendant deux larmes ou pendant un rire. Je fais un travail d'aspirine. Mais je ne méprise pas du tout l'aspirine. Je suis pour l'aspirine. Ah non, il n'y a pas question de mépriser, c'est tout le contraire. Hein, c'est tout le contraire. Oui. Le contact qui s'établit, disons, entre une centaine d'individus dans la salle, oui. Et vous, oui. C'est un contact vrai, humain, d'être à être. Parce qu'ils n'ont pas mal à moi, à ce moment-là. Ils ont mal à autre chose qu'à eux. C'est ça qui est important. Oh, moi, je l'ai souvent. Mais ne pensez-vous pas... Devant certains livres, devant certaines images, enfin... J'ai de la chance, enfin... J'ai vu des berbères, j'avais les larmes aux yeux, enfin, certains berbères, et puis ce serait une ordure de ne pas leur redonner ces berbères. J'ai jamais parlé de berbères dans une chanson. Mais si je pouvais être ce berbère-là, je l'ai appris, ça, j'ai eu le temps de l'apprendre. Quand on est fou, on doit être généreux. C'est, sans quoi c'est inadmissible. C'est inadmissible. Mais dans l'ensemble, même vos chansons drôles sont tristes et vos chansons sont en général des chansons tristes. Ça, il n'y a pas l'ombre d'un doute, même, je dirais presque surtout, quand elles sont drôles, dans la mesure où elles montrent l'humanité comme elle est. Bon, vous pouvez donner le cafard. Et cependant, attendez, laissez-moi dire, et toujours, vous êtes pour moi le tonique et le reconstituant. Vous parliez d'aspirine. Oui. Il y a là un phénomène dont je me suis toujours demandé quelle était la cause, parce que je ne comprends pas. Ah, moi, je crois que c'est bien simple, c'est parce que je ne me soumets pas. Je ne me soumets pas à cette tristesse. Je la constate. Mm-hmm. Je constate un certain nombre de choses qui m'indignent profondément. Ça m'indigne, je gueule. Mais je ne me soumets pas. Oui, c'est probablement ça. Très... Oui, parce qu'il y a une énorme différence, n'est-ce pas? Moi, je veux bien être cocu. Mais je ne veux pas m'y soumettre. Je veux bien le constater, je veux bien en pleurer. Mais je ne veux pas me... résigner. Et vous ne pensez pas que vous pouvez désespérer, d'une certaine manière, peut-être même pendant une heure, un certain nombre de femmes? Non, je crois pas. Là, non. Mais on se sent mal. On se sent coupable d'être une femme avec vous. Ah, j'espère bien. Ah, j'espère bien. Je n'ai plus rien de plus. Les femmes et les banquiers, c'est... C'est abominable. Si je pouvais leur filer mauvaise conscience pendant 30 secondes, c'est abominable. Je ne serais pas mécontent. Abominable. Bon. Elles vivent du capital. Les banquiers du capital des autres, mais les femmes trim. Valeurs du capital. Elles triment. Elles ne triment pas, elles bougent. Enfin, il y a celles qui triment. C'est qu'elles ne savent pas bouger. Elles ont toujours tort. Hein. Non, elles n'ont pas tort, mais j'aime beaucoup les femmes. Parce que vous savez, j'adore la cuisine de femmes, par exemple. Vous avez déjà dit ça. Mais j'adore, c'est vrai. Mm. Dites-moi, il y a un personnage Brel pour nous, qui s'est formé comme ça, de chanson en chanson. Il est peut-être limitatif de vous, je n'en sais rien. Et il est exprimé dans ses chansons et nous le connaissons très bien, nous pourrions en faire un portrait très précis. Est-ce que ce personnage Brel, est-ce qu'en fin de compte, à son tour, il n'est pas devenu quelqu'un qui vous influence, qui vous schématise un peu, qui vous limite à la... Non, ou alors... Peut-être bien, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. Ça, est-ce que ce n'est pas une des raisons pour lesquelles vous avez envie de vous défaire un peu de ce rythme d'urgence de la chanson? Non. Parce que vous avez autre chose à trouver en vous. C'est une question de discipline, c'est une question de répartition d'énergie. Mais si vous avez autre chose à trouver en vous, d'autres formes d'action... C'est ça. Il faut pour ça que j'ai plus de temps. Mais si vous allez remplacer une forme d'action par une autre forme d'action, est-ce qu'elle aura le même but? Je crois qu'on est avec une ou deux malheureuses idées et puis qu'on meurt avec. Enfin, on ne peut rien faire d'autre. Si j'avais 10 idées sous la main, je crois que ça se saurait. Et en tout cas, moi, je le saurais. Vous n'avez pas le sentiment qu'il y a des choses en vous que vous pouvez chercher justement dans cette période où vous ne chanterez pas sur scène? Parce que je peux rencontrer, peux rencontrer, oui. Vous pouvez vous rencontrer vous-même, un autre vous-même. C'est ça, oui, c'est possible. Ce serait trop beau. Ben, c'est bien ce qu'on espère, sinon on n'aurait pas le droit. Je ne veux pas vous parler de ça, parce que comme vous direz encore que vous avez trop d'orgueil pour recommencer à chanter... C'est pas ça, trop d'orgueil. J'ai suffisamment d'orgueil pour essayer de ne pas revenir sur une décision. Mais est-ce que ce n'est pas une attitude fausse, celle de l'orgueil? Peut-être bien, mais il y a des coups, ça donne un coup de main dans la vie. Oui, là, ça vous donne un coup de main, parce que c'est une espèce d'héroïsme de faire ce que vous faites. Mais quand vous dites « j'ai eu cela, je n'ai pas eu ceci », est-ce que vous savez ce que c'est? Qu'est-ce que vous avez eu pendant ces 15 ans? Qu'est-ce que vous n'avez pas eu? Quels sont les deux plateaux de la balance? J'ai eu des choses que je n'attendais pas. Par exemple? Oh, une relative réussite, enfin. Relative, hein? Oui, vraiment, mais c'est... Je ne m'y attendais pas du tout. J'attendais, d'autre part, une relative fraternité. Je ne l'ai pas eu, non. Ça, je ne l'ai pas eu. Fraternité entre? Entre complices. Il y a trop d'argent là-dedans. Pour que la fraternité soit possible. Oui, trop d'intérêt. Quand je dis trop d'argent, c'est tout ce que ça comporte. Trop d'envie, trop de besoins, trop de nécessité. C'est trop éclaté, c'est trop répandu, n'est-ce pas? C'est un petit système solaire, tout ça. Alors, il y a trop d'individus qui ont trop peur. Et dès que ce qu'on sait, le poids de la balance de ce qu'on sait, est plus léger que le poids de sa peur, ça devient facilement dantesque. Et alors, les hommes deviennent de plus en plus isolés, obligatoirement. D'un autre côté, j'ai eu des cadeaux admirables. Admirables. Se dire qu'on a pu être utile de temps en temps une fraction de seconde. Enfin, j'ai au moins vécu 10 minutes par an, hein. Je l'avoue, et j'en suis fier. On peut violer certaines lois. Comme un avion qui s'envole, ça m'éblouit, et ça m'éblouira toujours, parce qu'on viole une loi élémentaire. Et l'acte gratuit, quand on peut lui donner un certain poids, c'est de l'orgueil, pur et simple. Mais on se cautionne un tout petit peu. Et ça, c'est bien. Ça, c'est une chose... Ça m'a tenu debout pendant des années. Et c'est pas vilain, malgré tout. Moins vilain que des béquilles, pour tenir debout. Et c'est ça que vous rêviez quand vous étiez une... Non, je croyais que ça allait se passer autrement. Je croyais que ça allait se passer, quand je parle de complicité, de bonnes raisons de se justifier, enfin de ne pas se cracher à la gueule tous les soirs en se couchant. Je croyais que ça allait se passer sur un plan non pas public, mais beaucoup plus... Je dirais pas intime non plus, mais serré, enfin... À l'intérieur de la profession? À l'intérieur... Non, non, oh, profession. J'aurais pu une garagiste, je crois. À l'intérieur d'une chaîne. À l'intérieur d'une profession, quand même. Non, la profession n'a rien à voir, une chaîne. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore que j'allais choisir la mobilité. Je ne le savais pas encore. Je ne savais pas encore que j'avais besoin d'être mobile. Je ne savais pas encore que j'allais avoir à choisir entre l'envie de liberté... que j'essaie d'assouvir par la mobilité, parce qu'un homme immobile est prisonnier, je crois. Et j'ai à choisir entre ça et entre le fait d'éclater. Et puis finalement, on ne peut pas dire que j'ai choisi d'éclater. Ça a éclaté. C'est comme les fruits mûrs, ça. Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez senti que vous étiez sur le point de donner tout, justement? Il y a un moment où j'ai senti que c'était raté. Ah bon? Oui, l'autre, le rêve était raté. Mmh. Et puis j'ai rencontré, heureusement, en même temps, obligatoirement, un autre rêve. Le rêve d'éclatement, enfin, et de mobilité. J'ai été libre, dans l'année passée, j'ai eu une liberté de 440 000 kilomètres. Ça se calcule en kilomètres. Ce n'est pas du tout un esclavage. Les dates, les lieux... Pas une seconde, puisque je l'ai choisi, puisque je les veux. Il y a tout un endroit où je ne veux pas aller. Tout un endroit. Mais c'est la liberté dans le mouvement, c'est certainement vrai. Enfin, je pense à... La preuve, c'est qu'on met les prisonniers entre quatre murs. une preuve idiote, enfin. C'est une preuve que j'aime bien. La jolie madame de la chanson Le cheval qui vous a pris au silence, oui, au galop, c'est quoi? C'est la chanson? C'est la gloire? Non. C'est quoi? C'est la vie. C'est la vie, c'est ma vie. Voilà, c'est pas... Je n'ai dit nulle part qu'elle était jolie. Vous l'appelez jolie madame? Oui. Ça prouve que j'ai eu une éducation bourgeoise. Ça ne veut rien dire d'autre. Non, c'est la vie, quoi. C'est la vie qui vous oblige à ceci, à cela, à cela. Même si on est libre, même si on est mobile. Mettons que ce soit les charges. Le fait d'assumer rend esclave. Le fait d'être honnête rend esclave. Enfin, d'essayer d'être honnête. On s'impose une quantité de choses qui... Parce qu'on en a envie, et on se retrouve ligoté, enfin, c'est certain. Alors on enlève les liens et alors on fait 440 000 kilomètres. C'est tout. Vous savez le nombre de kilomètres que vous avez fait depuis... L'année passée, 440. J'ai un musicien qui s'amuse à calculer ça. Oh, depuis que j'ai commencé, je ne sais pas. Oui, il faut compter... On peut presque mettre 10 fois ça. En 15 ans, j'ai dû faire 10 fois comme l'année passée. Combien de zéros au bout de ce chiffre-là? 4 millions à peu près. 4 millions de... J'ai dû faire 4 millions de kilomètres. Et quand vous êtes comme ça... Dans... À vue de nez. Quand vous êtes comme ça dans des endroits, bon, vous allez chez des gens le lendemain, oui, ou vous rencontrez des êtres... Oui, toutes sortes. Toutes sortes. Et quelquefois, il peut surgir quand même une possibilité de réponse humaine. De... Très souvent. Et puis vous partez le lendemain ou une semaine après. Est-ce que ce n'est pas à la longue une frustration au contraire? Est-ce que ça fait un total? Non. On a des petits points de repère comme ça, à gauche et à droite. De temps en temps arrive un mot. De temps en temps on envoie un mot. Et puis pourquoi voulez-vous qu'on s'abîme la notion qu'on a des choses en les fréquentant? N'est-ce pas, en fréquentant ces notions? Parce qu'on fréquente, on fait le tour de l'arbre très vite. Surtout quand on devient... moins jeune. Et j'ai de moins en moins envie de savoir ce qu'il y a de l'autre côté de l'arbre. Moi, j'ai envie de savoir ce que un arbre tordu, comme moi, on nous dit, essaye, tente de paraître à quelqu'un d'autre juste parce qu'il a envie de lui mettre une branche sur l'épaule. J'ai pas envie d'aller voir de l'autre côté si c'est pourri, si c'est ravagé, si ça tient avec des piquets. Je m'en fous, moi. Je trouve que l'effort de dignité, de tendresse des gens, c'est ça, vivre. Maintenant, l'intérieur... Il n'y a que les médecins et les curés qui s'intéressent vraiment, pour des raisons très différentes. Maintenant, nous vous attendrons, Jacques Brel, dans vos prochaines métamorphoses. Pourvu que j'ai peur, sans quoi je vais dormir. Trois entretiens de Jacques Brel avec Dominique Arban. C'était le troisième entretien. C'était Entretien avec Jacques Brel par Dominique Arban. Première diffusion sur France Culture, les 23 et 30 juillet 1967. Deux mois plus tôt, à Roubaix, pour la toute dernière fois, Brel interprétait la version 67, Les Bonbons. Je viens rechercher mes bonbons. Vois-tu, Germain, j'ai eu trop mal quand tu m'as fait cette réflexion au sujet de mes cheveux longs. C'est la rupture bête et brutale, ouais. Je viens rechercher mes bonbons. Maintenant, je suis un autre garçon. J'habite à l'hôtel Georges V. J'ai perdu l'accent bruxellois. D'ailleurs, plus personne n'a cet accent. Sauf Brel à la télévision. Mais je viens rechercher mes bonbons. Quand père m'agace, moi je lui fais zoup. Je traite ma mère de néphropathe. Faut dire que père est vachement pâte, alors que mère est un peu snob. Enfin tout ça, c'est le conflit des générations. Je viens rechercher mes bonbons. Et tous les samedis soirs que je peux, Germaine, j'écoute pousser mes cheveux. Je fais glou-glou, je fais miam-miam, je défile criant paix au Vietnam. Parce qu'enfin, enfin, donc, j'ai mes opinions. Je viens rechercher mes bonbons. Mais c'est ça votre jeune frère, Mademoiselle Germaine. C'est celui qui est flamingant. Mignon. Mignon. Il a des grands yeux comme ça. Dîner. Oh, j'ose pas. J'ai envie, mais. J'ose pas. J'ose pas. Je vous ai apporté des bonbons. Jacques Brel, Les bonbons 67, enregistré le 16 mai 1967 lors de son tout dernier récital, c'était à Roubaix. Brel, nous le retrouverons demain dans l'émission Cinéma Vérité de Roger Réjean. Brel jouait dans son premier film Les risques du métier d'André Cayatte. Auparavant, nous aurons évoqué Playtime et le Festival de Cannes, un millésime de qualité. J'ai même rencontré des Tziganes heureux, Blow Up, Accident, L'Incompris. Un juré particulièrement enjoué nous parlera, depuis l'intérieur même de ce festival, Jean-Louis Borry. And what costume shall the poor girl wear? To all tomorrow's parties. Je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Je ne reconnais plus personne en Harley Davidson. C'était 1967, une émission de Philippe Garbi, prise de son Valérie Lavalard, document INA Aude Vassan, réalisation Clotilde Pivin. Vous pouvez réécouter en ligne ou télécharger cette série sur le site franceculture.fr à la page de l'émission.